Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM sur le 107 MHz, ben oui. Et je vous propose une mosaïque d'articles de journaux, mais articles courts, hein, le titre plus quelques lignes. Et puis une flopée d'enregistrements, des enregistrements comme s'il en pleuvait, surtout un peu tous les sujets, mais principalement les sujets que l'on ne traite pas tellement sur les médias entre guillemets officiels, hein, les médias commerciaux ou gouvernementaux, voilà, qui n'ont pas intérêt à nous dire la vérité, et qui nous cachent un certain nombre de choses. Eh bien, il y a des médias quand même qui disent des choses. Hein, ouais. Alors, eh ben, voilà, c'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure. En attendant, eh bien, la petite revue de presse, hécatombe sur la route des vacances, sur l'autoroute des vacances, dans le Vaucluse, sur l'A7. Alors, c'était le 19 juillet. Oui, bon, ben, il est encore temps d'éviter cette fameuse route-là, l'A7, enfin, autoroute, à péage, et dangereuse quand même. Ou dangereuse et à péage quand même, comme on voudra. Les routes du Vaucluse comptent 4 victimes de plus depuis hier. Un poids lourd sur l'autoroute A7 devenu incontrôlable, un poids lourd devenu incontrôlable, a tout emporté sur son passage. Expliquez-moi comment un poids lourd peut-il devenir incontrôlable sur une autoroute. Il y a une cause ou des causes, sans doute. Bon, il faudrait peut-être les rechercher, ces causes. Ah oui, il faut agir sur la cause et pas seulement sur la conséquence. Tiens, autre chose, on change de sujet, encore que. Attentat néo-nazi en Allemagne, condamné et eux à perpétuité. Seul rescapé du trio baptisé clandestinité national-socialiste, NSU, Beate Zeppe, 43 ans, a été condamné pour sa participation au meurtre, au pluriel, commis dans toute l'Allemagne entre 2000 et 2007. Vous voyez qu'ils ne sont pas inoffensifs, ces gens-là. Ils ne font pas que se présenter aux élections, bien sûr. Ah ben non. Et puis, si par hasard, non, n'accusons pas le hasard n'est responsable de rien, si ces gens-là arrivent au pouvoir, eh bien, des choses comme ça, ils pourront les faire tout à fait tranquillement, officiellement. Et en bien plus grand nombre, le passé est là pour montrer ce que valent les fascistes, ce que valent les nazis, les franquistes, etc. etc. Hein, voilà. Bah oui, c'est bien la République. Hein. Ah oui, la démocratie, c'est bien. Mais alors, il faut en prendre soin, il faut essayer de la garder en état de marche. Il faut essayer de ne pas se la faire piquer. Mirecourt à l'heure de la sculpture. La 7e édition du symposium de sculpture démarre ce week-end à Mirecourt, dès samedi et jusqu'au 29 juillet. 10 sculpteurs internationaux travailleront dans les rues de la cité sous les yeux des visiteurs. Tiens, c'est une bonne idée. Comme à la Bresse, quoi. Hein ? Eh oui, c'était une bonne idée aussi à la Bresse. 100 ans d'agriculture à la prairie. À Saint-Nabord. L'endroit n'a pas officiellement l'appellation de musée, mais il en remplit les fonctions. Grâce à la passion d'un homme, des objets en grande partie originaires du lieu sont exposés dans la ferme parentale d'Hubert Méline. Fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'agriculteurs, Hubert Méline a gardé au fond de lui cette fibre parentale, même si lui n'a jamais exercé le métier d'agriculteur. Il a transformé une ancienne étable de la prairie en un véritable musée. Alors ça, c'est à voir par les gens déjà âgés, ça leur rappellera leur enfance, hein, leur jeunesse, et puis par les plus jeunes, ça leur montrera qu'il y a eu un monde avant la tablette, le téléphone portable, l'ordinateur, etc., etc., que le monde n'a pas cessé d'évoluer depuis qu'il existe, et que, voilà, on pourrait aussi très bien retomber 50 ans ou 100 ans en arrière si on laisse faire certains de nos hommes politiques. Ah oui, oui, oui, ils accumulent tellement de maladresses voilà, on pourrait basculer, progresser, c'est long. C'est fatigant, c'est fastidieux. Régresser, ça peut être très facile. Hein. Vous voyez, les 6 millions de chômeurs en France en 2018, 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1932, bah, les Allemands ont commencé à en avoir marre. Ils ont dit, eh bien, on va donner un coup de pied à la fourmilière. On va voter contre tous ces incapables-là qui sont capables que de fabriquer de la misère. Et ils ont voté pour le parti qui a bouillé le plus fort. Hein, les nazis, ils ont dit, bah, avec eux, au moins ça va changer, il n'y aura plus de chômage. Ah oui, oui, d'accord. Ah, oui. Plus de chômage, l'industrie de guerre s'est mise à tourner à plein régime, et les chars, les avions, les automitrailleuses, etc., qui ont été produits, les fusils mitrailleurs, les grenades, j'en passe et les meilleurs, eh bien, il a bien fallu les utiliser. D'abord, il a fallu que le gouvernement rembourse ses dettes auprès des industriels qui l'avaient aidé à arriver au pouvoir. Hein, et puis, Deuxième Guerre mondiale. Hein, 6 millions de chômeurs, Deuxième Guerre mondiale. Remiremont, de curieux étains qui n'ont pas pris de rides. Ah, eh bien oui, c'est vrai, l'étain, ça prend pas beaucoup de rides. Vous regardez un pot en étain que vous avez chez vous, vous le regardez un jour, vous le prenez en photo le lundi par exemple, et puis vous prenez en photo le mardi, le mercredi, etc. Vous comparez les photos et vous verrez qu'il ne prend pas de rides. Hein. Alors, le musée Charles de Bruyère accueille jusqu'au 30 décembre l'exposition de poterie d'étain du Romarimontain Jean-Nicolas Matrel, des œuvres du XVIIe siècle, dont certaines assez curieuses, qui n'ont pas pris une ride. Eh oui, ça ne prend pas de ride, parfois, l'étain. Ça dépend. Des fois, il y a des étains, peut-être, qui vieillissent moins bien que les autres, et par conséquent, ben, ils prennent des rides, ceux-là. L'exposition des poteries en étain de Jean-Nicolas Matrel s'est installée pour un petit moment au musée Charles de Bruyère. L'artisan Romarimontain, mort en 1743, a marqué sa profession, inspirant d'autres maîtres potiers de la région. Alors, à voir les expositions au musée de Remiremont, eh bien, il faut aller les voir. En général, ça vaut le coup. Ah oui, bah oui. Oui. Même si vous n'êtes que colonel, il faut aller les voir. 18 100 panneaux solaires sur l'ancienne décharge. Ah, dis donc, on transforme une ancienne décharge en centre de production d'électricité solaire. Eh ben voilà, c'est ça qu'on appelle le progrès. Hein ? Vive les progressistes. Eh oui, honte aux réactionnaires. 18 100 panneaux solaires. Le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales veut être autonome en énergie d'ici 2050. Il compte donc développer de nombreux projets à l'image d'un champ photovoltaïque sur l'ex-décharge de Golbé. Rien de tel qu'une visite sur le terrain pour se forger une idée. Pour Roger Alemany, le maire de Golbé, cette visite remonte à quelques mois du côté de Bouligny et Joudreville, situés côte à côte en Meuse et Meurthe-et-Moselle. C'est là que, sur un ancien carreau de mine désaffecté, la société Cadran, filiale du groupe Direct Énergie, a installé une centrale photovoltaïque en déployant des panneaux solaires sur une surface de 33 000 m². C'est pas rien quand même. Ce qui permet de produire de l'électricité pour la quasi-totalité des habitants des deux communes. Et ce, grâce à un investissement de 4,9 millions d'euros. Bravo, bravo, ça c'est l'avenir. Alors, elle défile en donnant le sein. Une mannequin a relancé le débat sur l'allaitement en public aux États-Unis, où cette pratique divise après avoir défilé à Miami en donnant le sein à son bébé de 5 mois. Un geste qu'elle assure avoir improvisé. Maria Martin a arpenté dimanche le podium d'un défilé organisé par le magazine Sport Illustrated, vêtue d'un bikini doré et portant dans ses bras sa fille Aria en train de téter. Elle commençait à avoir un peu faim. Le défilé avait pris du retard et c'était pour elle l'heure de manger, assurait la jeune maman mardi sur la chaîne NBC, suite aux nombreuses réactions déclenchées par son geste. Eh bien, moi j'ai le journal sous les yeux avec la photo. Eh bien, si vous ne l'avez pas vu, ben vous avez tout perdu. Et voilà, voilà une gentille maman, eh oui, qui donne le sein à son bébé. Et puis voilà, et puis les hommes ont le droit de se rincer l'œil en passant. Ben oui, ça ne fait pas de mal. 100 ans après sa naissance, Mandela célébré. L'Afrique du Sud a salué hier l'héritage de Nelson Mandela, icône mondiale de la lutte contre l'apartheid. Il aurait eu 100 ans le 18 juillet. Mardi, dans un discours dans un stade de Johannesburg, point d'orgue des célébrations en hommage à Madiba, Barack Obama a rappelé la vague d'histoire. Vous vous rappelez de Barack Obama ? Celui qui était président des États-Unis avant l'autre, là, hein ? Avant le clown. Hein, Barack Obama, il s'est forcé, lui, de gouverner dans l'intérêt du peuple américain dans son ensemble. Hein. À la libération de Mandela, le 2 février 1990, après 27 années derrière les barreaux. 27 années derrière les barreaux, vous vous rendez compte, quelle honte pour ceux qui ont fait ça quand même. Hein. Ils mériteraient un châtiment exemplaire, ceux qui sont capables de faire des choses comme celle-là. Ah oui, tout à fait exemplaire. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment exemplaire. Quatre ans plus tard, sans effusion de sang, après des décennies de régime raciste blanc, Mandela devenait le premier président noir de l'Afrique du Sud, poste qu'il a occupé jusqu'en 1999. Voilà, quelqu'un de bien, Nelson Mandela, ah, quelqu'un de très très bien. L'humanité peut être fière de créer des gens comme lui. Hein, il y en a trop peu. Eh oui, ben oui. Comment éviter une nouvelle affaire Lactalis ? Une commission d'enquête parlementaire et le Conseil national de la consommation ont rendu leurs conclusions sur les dysfonctionnements de l'affaire du lait infantile contaminé à la salmonelle. Ah, rappelez-vous l'article que j'ai lu tout à l'heure, le lait n'était pas contaminé à la salmonelle au moins. Nabjeti, pas d'affolement, entre guillemets, avec un point d'exclamation. Figure emblématique de Vittel, ex-PDG de la Société des Eaux et ancien maire, Guy de la Motte-Bouloumier, évoque sans embâge la polémique autour de la nappe GTI et en appelle à l'intérêt général. Les moins de 20 ans qui célèbrent aujourd'hui la victoire des Bleus dans le mondial de foot ne peuvent pas le connaître. C'est pourtant dans la prairie à Vittel que ce qu'on appelle, dans la plaine à Vittel. Dans la plaine, à Vittel, ce qu'on appelle une mémoire vivante et légitime. Alors, selon Guy de la Motte-Bouloumier, dans cette affaire de l'exploitation de la nappe d'eau des grès du Trias inférieur, GTI, grès Trias inférieur, il faut voir les choses dans le cadre de l'intérêt général. Eh bien, voilà encore un macronien qui a l'art de parler pour ne rien dire. Il peut dire tout et n'importe quoi dans le même article, dans le même discours. Comme ça, tout le monde est content. Tout le monde a repéré les deux lignes qui lui convenaient et a oublié le reste de l'article. Et voilà, c'est comme ça que les peuples se font arnaquer, hein, pour rester poli. Erdogan nomme son gendre aux finances. Ah, Erdogan nomme son gendre aux finances. C'est pas en France qu'on verrait des choses pareilles quand même. Hein. C'est bien la preuve que c'est une dictature, la Turquie. Sous des apparences de démocratie. En France, il n'y a pas de dictature, il y a la démocratie. Enfin, les apparences de la démocratie, en tout cas. La veuve du dissident chinois Liu Xiaobo, libérée. La veuve du dissident chinois et prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, qui a été maintenue de facto en résidence surveillée à Pékin, a embarqué hier à bord d'un avion et a quitté la Chine. Près d'un an, jour pour jour, après la mort en détention de son mari. Voilà. Alors la Chine, ben oui, elle est très forte en ce qui concerne le commerce extérieur parce que elle bénéficie d'une population nombreuse, assez jeune, et qui sort progressivement de la misère depuis une trentaine d'années et qui travaille pour des salaires qui sont encore très bas. Alors évidemment, la concurrence dans ces conditions-là, ben voilà, hein, on voit à qui ça peut profiter. Ben oui, au moins 10 ans. C'est celui qui paye le moins ses ouvriers qui vend des produits le moins cher sur le marché mondial. Eh ben oui. Secret d'histoire, réhabilite Lucrèce Borgia. Mais ça, c'était le jeudi 28 juin, donc l'émission est passée. Mais là, on a un portrait de Lucrèce Borgia. Oh ben quand même, hein, Lucrèce Borgia. Le 14 juillet, Thomas Pesquet défile avec TF1. Thomas Pesquet, qui c'est donc? Eh bien, c'était le cosmonaute, vous savez, qui nous envoyait des photos tous les jours, des photos magnifiques qu'il faisait depuis son engin spatial. Hein. Et oui, il prenait en photo la Terre, le ciel, etc., les aurores boréales, enfin, il faisait des photos magnifiques et il ne les gardait pas pour lui puisqu'il nous les envoyait. Hein, magnifique, voilà, c'est bien ça. Hein, comme ça, le contribuable, il paye des impôts, mais au moins... Les impôts qui vont dans la recherche spatiale, c'est pas de l'argent perdu, puisque au moins on récupère des photos. Et puis des avancées sur tous les plans techniques et scientifiques. Pourquoi le nombre d'arrêts de travail augmente ? Le nombre d'arrêts de travail prescrits par des médecins était en hausse en 2017. Alors, toujours plus d'arrêts de travail. Selon les chiffres de l'assurance maladie, les dépenses d'indemnité journalière en lien avec les arrêts maladie, hors maternité, ont augmenté de 4,4% en 2017. Ben oui, hors maternité, puisqu'on ferme les maternités. Hein. Enfin, on essaye. Vous voyez de qui je veux parler ? On. Hein. Ah oui, Macron, Fillon, bon, voilà. À 10,3 milliards d'euros, relaté hier le Figaro. Ah, mais si c'est le Figaro qui dit, là... On peut faire confiance, le Figaro, c'est pas n'importe quoi. Ah ouais, c'est le journal qui dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Un nouveau manège, bah comme presque tous les autres d'ailleurs. Hein. Un nouveau manège à la Grange Puton. Les travaux vont commencer au printemps 2019. Le centre équestre de la Grange Puton va pouvoir bénéficier d'un petit manège flambant neuf. Vétuste, le bâtiment actuel va devoir être désamianté avant d'être démoli. Et oui, il a été construit il n'y a pas si longtemps que ça, ce bâtiment-là, donc c'est étonnant qu'il soit déjà vétuste. Et puis, c'est étonnant qu'il ait été revêtu d'amiante, parce que déjà à l'époque, on savait que l'amiante, c'était une substance hautement cancérigène, mais bon. Une redevance en fonction des revenus. Réforme de l'audiovisuel public. Des députés de la majorité préconisent de rendre universelle la contribution à l'audiovisuel public et de la rendre proportionnelle aux revenus. Et si on faisait payer ceux qui regardent les chaînes de télé privées, parce que elles sont plutôt bébêtes ces chaînes-là, hein, pire que les chaînes publiques, hein. Oh, pire, sauf de temps en temps. Ah, de temps en temps, on tombe sur une bonne émission. Ça veut dire que les gens qui travaillent dans ces chaînes-là, ils sont tous compétents. Mais voilà, on leur donne des ordres. Hein. Eh oui, on leur donne des ordres. Bah oui, parce que le consommateur, les lecteurs, sont des gens qui doivent être suffisamment malléables pour qu'on puisse gagner de l'argent. Vous avez vu, entendu l'histoire de Coluche sur la publicité. Rappelez-vous, c'était des vraies publicités, ça. Hein, la lessive qui lave plus blanc, la lessive qui lave sans retourner le linge ou je sais plus quoi là. Ben c'était des vraies pubs, ça. Hydrangé Fuca et tout le bazar, des pubs qui arrivaient à l'heure des repas. L'avocat des Antibures, laissé en liberté après 48 heures de garde à vue et au terme de sa présentation devant le juge d'instruction de Bar-le-Duc, maître Ambroselli a été relâché au milieu de la nuit de jeudi à vendredi. Alors, une république où l'on confond les différents pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, où l'on mélange un peu tout, où on ne respecte même pas la loi des lois, hein. Oui, si, c'est une république, si, ben oui, bien sûr, puisqu'ils le disent, puisque Monsieur Macron le dit. Encore que cet an dernier, il y a eu des actions, là, il y a un individu qui s'est fait prendre à faire des choses pas du tout morales et pas du tout légales. Remiremont, et c'était un ami de Monsieur Macron, dans son entourage le plus proche. Le parc Zeller à l'heure révolutionnaire. En l'honneur du général Humbert est installé à bivouac au parc Zeller, entre tentes, ateliers et vêtements d'époque, l'heure était au style révolutionnaire. Français et Irlandais s'y sont donné rendez-vous en ce 14 juillet. Ben voilà, vous disiez la République, hein, la République. Ça valait la peine de se battre pour la République en ce temps-là. Et puis il y en a d'autres qui se sont battus pour la République. Ah oui, en 1870, en 1848, en 1830, en 1940, 44, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Et puis après, ceux qui se sont battus contre l'OAS. Ah oui, je me rappelle de l'appel du général de Gaulle. J'appelle tous les Français, où qu'ils se trouvent, à barrer la route à ces gens-là par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Je me rappelle encore de l'endroit exact où j'étais quand j'ai entendu ça à la radio. Un 14 juillet déjà avec les Bleus. Le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées avec une grande fête ce soir au même endroit. De nombreux spectateurs en réveillèrent tout haut en regardant les militaires. Ah oui. Alors, des militaires encore, mais pas les mêmes, là, pas du tout les mêmes, qui défilent. Le quatrième tome de la collection Seconde Guerre mondiale. Alors que la France occupée est quadrillée, surveillée, encadrée par la Gestapo et la milice. Qu'est-ce que la milice? Eh bien, la milice, c'était l'équivalent de la Gestapo, mais côté français. Oui, il y avait des Français qui jouaient vis-à-vis du reste de la population le même rôle que la Gestapo. Hein, il faisait la chasse aux communistes, aux résistants, aux juifs, bref. Que Vichy et les Allemands font la chasse aux opposants, que des fonctionnaires zélés, dirigeants de partis politiques inspirés par les modèles fascistes et nazis, sombrent dans la collaboration totale et que les premiers convois de déportés juifs quittent la France. La résistance s'organise autour de l'envoyé du général de Gaulle, Jean Moulin. Sur le front extérieur, les Allemands subissent de plus en plus de revers. Les batailles de Stalingrad et de Kursk ont sonné le glas Kursk, une bataille de 3000 chars. Hein. 3000 chars des deux côtés, hein. C'est 6000 chars en tout. Ont sonné le glas des prétentions nazis à l'est. Les troupes allemandes sont également battues en Afrique du Nord. Pire, les alliés, après avoir pris pied en Algérie et au Maroc, débarquent en Sicile, puis en Italie du Sud. Mussolini est renversé. Alors, il a été renversé, il a été emprisonné. Hein, on l'a mis dans une prison, enfin les républicains italiens l'ont mis, les résistants italiens l'ont mis dans une prison, dans un fort en haute montagne, et le SS Otto Skorzeny a été chargé par Hitler de le libérer. Alors il a fait une opération commando, des parachutistes, des planeurs se sont posés sur les flancs de cette montagne, ils ont libéré Mussolini, ils l'ont fait monter dans un avion, il était tout blanc, tout pâle, tout tremblant, bah oui, parce qu'il savait faire des discours, mais pour le reste, il a envoyé les autres se battre, lui, bah bien sûr, ils sont tous comme ça, les fascistes, oui, et alors donc, il avait été libéré, et puis, de nouveau, les partisans l'ont rattrapé, les républicains italiens, les résistants italiens l'ont rattrapé, et cette fois-là, ils l'ont exécuté, et lui et puis sa maîtresse, et ils les ont pendus par les pieds, vous savez comment on pend un cochon qu'on vient de saigner, voilà le sort qui parfois attend les amateurs de fascisme, de dictature et de saloperie de ce genre-là. Ouais, on les traite comme... Allons, enfants de la patrie. Eh oui, de quoi s'agit-il? Du défilé du 14 juillet? Eh bien non. L'équipe de France a rendez-vous avec l'histoire ce dimanche à Moscou. Un ultime combat à livrer face à la Croatie pour obtenir un deuxième sacre mondial 20 ans après celui de la génération Zidane. Alors, bah oui, bien sûr, c'était le journal du 15 juillet. Eh oui, voilà ce que c'est que de garder les vieux journaux. Hein, on ressasse des vieilleries. Le foot, ça y est, tout le monde l'a déjà oublié. Eh oui, parce qu'il y a un événement là qui est en train de se passer là dans les hautes sphères du pouvoir qui va faire complètement oublier le foot. Ah oui, Macron, lui, il ne sera pas oublié. Hein. Les gens qui ont pris l'habitude de le siffler ou de le huer partout où il va, ils vont se retrouver de plus en plus nombreux et de plus en plus virulents. Une nouvelle étoile dans les yeux à Remiremont. Finale de la Coupe du Monde de football. Des milliers de supporters de l'équipe de France de football se sont retrouvés devant les écrans au centre-ville de Remiremont et dans la fan zone de Saint-Nabor. Après 90 minutes de suspense, les cœurs ont chaviré pour les Bleus. J'espère qu'il y avait des cardiologues dans l'assistance et que le service de cardiologie de l'hôpital était prêt à agir, à réagir. Hein, eh oui, parce que les cœurs qui flanchent, il faut quand même être sur place ou très proche, et puis avoir le matériel, le personnel, etc., pour réagir. Faut pas fermer les hôpitaux. Là. Oh, surtout pas les services de cardiologie. Surtout pas quand il y a des matchs de foot. Épinal, finale de la Coupe du Monde de football. The place des Vosges to be. The place des Vosges to be. Est-ce que vous avez la traduction? Moi, pas. C'est un journal français, hein? Si, Franchouski de Vorak. La France championne du monde, 2018, la France championne du monde. Et oui, et il y en a un qui disait, l'équipe de France, ils sont allés la chercher en Afrique. Eh oui, on ne veut pas des immigrés, et puis on va chercher, certains. Ah, il faut qu'ils soient joueurs de foot pour qu'ils aient le droit de venir en France, les gens, les Africains. Ouais. Véhicules électriques, la course aux bornes de recharge. Les usagers de voitures électriques toujours plus nombreux voient d'un bon œil le développement du réseau de recharge français. Collectivités locales et commerces mettent la main à la poche. Voilà. Eh bien, je vais garder un petit peu de temps quand même. Il me reste pas mal d'articles, mais ce sera pour une autre fois. Avoir le temps de passer quand même les enregistrements que je vous ai promis tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on va attendre un petit peu de musique en attendant. Hein, voilà. Ricorditi la tua semma nell'alpe, ti colse di bella qual è, si non altri mai più niente. C'est le chœur de Sartène, Polyphonie Corse, qui fait un concert demain soir, samedi 21 juillet à 20h45. Et il y avait des places gratuites à gagner. Je pense que c'est terminé, hein, voilà. C'est trop tard pour ça. À la Bastille Saint-Pierre, 20h45. Alors, j'ai oublié des articles aussi que, bon, voilà. Le 18 juillet 2018, un incendie s'est déclenché sur un transformateur de la centrale de Nogent-sur-Seine ce 17 juillet 2018 à 22h. Conséquence, le réacteur 2 a perdu son alimentation électrique externe. Heureux hasard, heureux entre guillemets. Le réacteur était à l'arrêt pour maintenance et le combustible était intégralement déchargé du cœur, stocké dans la piscine du bâtiment combustible. Mais les sources électriques permettant le refroidissement de la piscine ont elles aussi été impactées par l'incendie. L'installation nucléaire dispose de sources d'alimentation électrique de secours, deux groupes électrogènes à moteur diesel censés prendre le relais pour éviter toute coupure électrique. Mais au moment de l'incident, un seul des deux diesels était fonctionnel, l'autre était en réparation. Heureusement, pour les populations et l'environnement, l'unique source électrique en état de marche a tenu bon tout au long de la nuit et a permis d'assurer, entre autres, le refroidissement de la piscine combustible. Si ce refroidissement n'est plus assuré, il devient impossible d'évacuer la puissance résiduelle dégagée par le combustible nucléaire. C'est-à-dire que ça se met à chauffer, l'eau de la piscine s'évapore, transformée en vapeur en très peu de temps, et puis ça continue à chauffer jusqu'à la fusion. Hein. La fusion du cœur qui a eu lieu à Tchernobyl ou à Fukushima, eh bien ça se produirait dans les mêmes conditions. Hein. Pas tout à fait pour les mêmes causes, mais dans les mêmes conditions. Voilà, bon, enfin bref, n'oublions pas qu'on habite pas très loin, et puis que de toute façon qu'on habite loin ou pas loin, il y a toujours des victimes. L'autorité de sûreté nucléaire a été informée vers minuit, elle a activé son dispositif d'astreinte au niveau national et local, et a suivi en temps réel l'événement avec l'appui technique de l'IRSN. L'incident a été clos vers 5h du matin, le 18 juin, avec le rétablissement d'une alimentation électrique externe. Il n'y a pas eu de conséquences sur les personnes et l'environnement. Entre guillemets, tout ça, nous dit l'ASN, si par malheur une panne était advenue sur le seul diesel, alimentation, l'installation nucléaire, il en aurait été tout autrement. Rappelons que dans le cadre d'une enquête menée conjointement en 2016 par le Journal de l'énergie et la Gazette du nucléaire sur la vulnérabilité des moyens de secours du parc nucléaire français, des documents internes à EDF révélaient que l'exploitant lui-même, qualifiait la fiabilité des groupes électrogènes de secours comme dégradée. La fiabilité des diesels de secours pose problème, alors que ces équipements sont primordiaux pour empêcher la survenue d'un accident nucléaire. Les réparations sont en cours sur le matériel à l'origine de la défaillance, nous livre l'exploitant. Mais sur les causes de l'incendie, sur l'origine de la défaillance, pas un mot. Encore une belle démonstration du grand art de la communication d'EDF. D'ailleurs, ce que l'ASN, l'Agence de sécurité nucléaire, intitule « Perte d'alimentation électrique externe » est présenté par l'exploitant comme une intervention sur les alimentations électriques. Quoi qu'il en soit, on comprend que sur l'instant, on ne savait pas, mais que dans cette nuit du 17 au 18 juillet, dans l'Aube et dans la région parisienne, on a eu chaud, très chaud. Alors là, j'ai une photo, deux photos où on voit des CRS en uniforme, casque, jambière, gants, etc., matraque, en train de matraquer quelqu'un qui est au sol, de le matraquer, de le piétiner. Alors là, c'est de la violence réglementaire, parce que les CRS en question, ce sont des vrais CRS qui portent un uniforme de CRS et qui obéissent à des ordres. Et à côté, il y a la violence non réglementaire, et la violence non réglementaire, elle est dispensée par un faux CRS, qui a quand même un casque de vrai CRS, mais dont l'uniforme n'est pas tout à fait complet, et dont on a découvert que c'était un des gardes du corps de Emmanuel Macron, et que normalement, il n'avait rien à faire là, et il n'avait surtout pas à taper sur des manifestants, il n'était pas du tout à sa place. Hein, voilà, bah oui, bah, ceux qui ont voté pour Macron, bah, bravo. Eh oui, on pouvait s'en douter quand même qu'on avait à choisir entre la peste et le choléra. Hein, ben oui, il fallait choisir autre chose. Alors, ce qui s'est passé le 23 juillet, alors, des événements comme, par exemple, le 23 juillet 1242, victoire de Saint-Louis à Saintes. Ouais. Dans un pays vraiment laïque, on dirait pas Saint-Louis, on dirait Louis IX, hein, je crois. Le 23 juillet 1242, à Saintes, près d'Angoulême, l'armée du roi de France prend le dessus sur une coalition de féodaux alliés au roi d'Angleterre. Bon, les uns ont gagné contre les autres. La population française avait-elle vraiment intérêt que ce soit ce camp-là qui gagne plutôt que l'autre ? C'est difficile à dire, hein, c'est difficile à dire, vous savez, être soumis à une féodalité ou à une autre, le résultat est à peu près toujours le même. Hein. Le Japon soumet la Corée le 23 juillet 1894. Les troupes japonaises investissent le palais royal de Séoul et renversent le roi de Corée. Son successeur est contraint, 4 jours plus tard, de déclarer la guerre à la Chine voisine. 15 ans plus tard, le Japon annexera le royaume. Ben oui, la Corée, elle est faite pour être annexée tantôt par un, tantôt par l'autre. 23 juillet 1914, ultimatum de Vienne à la Serbie. 23 juillet 1952, fin de la monarchie en Égypte. Haïlé Selassie, le prince Tafari Mekonnen, est né le 23 juillet 1892 à Gersagoro, dans la province du Harar, en Éthiopie. Il devient empereur sous le nom de Haïlé Selassie Ier en 1930 et se fait connaître du monde entier en juin 1936 suite à l'invasion de son pays par les troupes italiennes. Par les troupes italiennes, les troupes fascistes. Hein ? Ah oui, Mussolini, c'était un fasciste. Voilà. Hein ? Michel Fedorovitch Romanov. Michel Romanov, fils du prestigieux patriarche de Moscou, Philarète, né Fiodor, est élu tsar le 21 février 1613 à seulement 16 ans. Avec son père, il va rétablir la paix civile en Russie après le temps des troubles, entre guillemets, temps des troubles, et consolider l'unité du pays au détriment des paysans. Parce que des ouvriers, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, donc c'était les paysans qui payaient la facture là, en ce temps-là. Il y a toujours de la sueur de pauvres dans l'argent des riches, signé Émile Cloutier. Alors là, j'ai une photo que je ne peux pas vous montrer parce que malheureusement, Radio Grimozo n'est pas encore une télévision. C'est une photo qui représente les avions qui passent au-dessus des Champs-Élysées et qui émettent de la fumée colorée. Hein, les avions qui sont sur la droite de l'image émettent de la fumée rouge, ceux du centre, les trois du centre émettent de la fumée blanche, et ceux de gauche émettent de la fumée bleue. Enfin, ils devraient émettre de la fumée bleue, il y en a deux qui émettent de la fumée bleue, et puis le troisième, mais il y a eu une erreur, il a émis de la fumée rouge. Alors, ils mettent comme commentaire à cette photo-là, « Nous avons de forts indices concordants de nos services qui tendraient à laisser penser que le Kremlin est derrière tout ça. Nous devons prendre des sanctions et vite. » Et oui, d'autres ils disaient que c'était la France insoumise qui avait fait le coup. « Quand un peuple hurle plus fort pour un 2-0 que contre un 49-3, l'état d'urgence, c'est ça. » Alors à côté, il y a aussi une photo, enfin un dessin, représentant l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Alors l'Amérique du Sud et l'Afrique sont représentés en gris, c'est les pays pauvres, ce sont des continents pauvres. Par contre, les richesses elles sont toutes parties en Amérique du Nord ou en Europe. Voilà, c'est comme ça, la répartition des richesses et de la pauvreté. France, 210 essais nucléaires de 1960 à 1986. Voilà. Alors, événement du 16 juillet, rappel de Necker, ministre de Louis XVI, mort de Eugène Poubelle, exécution du tsar Nicolas II et de sa famille, rafle du Veldiv en 1942. Et voilà. Ben oui, que des choses graves et parfois très tragiques. Très tragiques, surtout pour le peuple. Surtout pour le peuple, toujours pareil. Toujours. Alors, une lettre envoyée de l'Assemblée nationale, signée par Jean-Luc Mélenchon, président du groupe de la France Insoumise, le 6 juillet 2018. « Monsieur le Président, j'ai bien reçu votre invitation à déjeuner à Versailles ce lundi 9 juillet et je vous en remercie. Comme pour le congrès que vous réunissiez le même jour, je ne serai pas présent, étant retenu par des activités hostiles à votre gouvernement. » Il me paraît utile de vous préciser qu'à l'ordinaire, personne ne me prie de vouloir bien venir à un déjeuner. On m'invite à y participer. » Ancien prof, hein. Ah oui. Le groupe parlementaire LFI, la France Insoumise et moi-même refusons les convocations à participer à des écoutes sans dialogue dans le cadre de la vie du Parlement. Aucune forme de pratique monarchique nous agrée. Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations républicaines respectueuses. Signé Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Dis-moi, ça sera beau l'an 2000 ? Oui, oui. T'es content, toi, de vivre l'an 2000 ? Oui. Tu vas le vivre, tu vas avoir 50 ans l'an 2000. Oui, c'est ça. Hein ? Comment ça va être ? Ben, tout aura changé, déjà. Tout aura changé ? Ce sera du luxe. Et puis ? Ce sera des grandes maisons, des terrasses, des piscines. Et puis encore ? Les maisons folles. Nous, on sera... On aura des cuirasses en fer. Et puis, les trains, ils auront des... Ils auront... Des ailes, ils ont des réacteurs, ils voleront. Je pense que ça sera magnifique. Comment tu vois l'an 2000 ? Bah, je vois avec des souterrains, beaucoup de gratte-ciel. Beaucoup de gratte-ciel ? Oui, oui. Et je vois comment les voitures passent en dessous terre. Les voitures passent en dessous terre ? Oui. Et les gens, comment sont-ils, les gens ? Bah, ils seront habillés comme en ancien temps, avec des chapeaux de forme. Et moi, ça sera bien l'an 2000 ? Ah oui, je trouve bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, l'an 2000 ? Ça sera un peu moderne. Changer. Ce sera certainement très différent du monde actuel. Comment ce sera ? Bien, la technique va prendre de plus en plus d'expansion et va agir sur de nombreux domaines, sans doute. Dites-moi, d'après vous, ce sera beau l'an 2000 ? Bah, c'est-à-dire, je ne conçois pas du tout l'an 2000, étant donné que maintenant, c'est déjà pas très beau à voir, le monde. Pas toutes ces guerres, les événements maintenant. Ce sera pas beau ? Non, non. Pourquoi ce sera pas beau ? Des maisons partout. Et le coin de verdure, tu envoies des coins de verdure quand même ? Non. Pas du tout ? Non. L'an 2000, c'est irréel, parce que j'ai peur de devenir vieille, et j'aurai 54 ans en l'an 2000, et je n'espère pas les avoir. Mais si je les ai, j'essaierai de vivre avec mon temps. Je suppose que le progrès sera déjà bien loin de ce qu'il y a maintenant, et j'espère qu'on aura fait beaucoup de choses encore pour les enfants. Qu'on leur aura donné un enseignement plus pratique que maintenant. Pour le progrès, ce sera quelque chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. C'est pour ça que l'an 2000, ça me fait peur. Ce sera en tout cas plus agréable que le 20e siècle, que notre époque actuelle. Les maisons... Même si ce sont encore des grands immeubles, seront vitrés, l'air y pénétrera librement et on pourra et seront plus agréables à habiter que certaines cités d'immeubles maintenant à peu près intenables. Comment tu vois les maisons ? On sait, je les ai trouvés un petit peu arrogants ce matin. S'ils gagnent, c'est pas possible. C'est pas possible, ils peuvent pas gagner. Non, parce que là, les entendre encore pendant 10 ans, c'est pas possible. Ah, c'est ça qui va être. C'est exactement ça, c'est ce que je me suis dit ce matin. Je me dis, mon cœur va entre les deux, mais rien que pour qu'ils arrêtent de. C'est juste ça. Qui ferment leur gueule. Juste pour qu'ils. Sinon, t'imagines, on en a pour encore un demi-siècle, quoi. Tu vois, c'est rien que pour ça. On ne demande même pas de gagner, mais surtout qu'ils ne gagnent pas. Hein. Parce que sinon, c'est ce qu'a très bien dit Rodrigo ce matin. Il dit, écoutez, vous l'avez déjà vu, mais il n'a pas osé dire en sous-texte. Ouais, mais vous allez nous prendre là. Il faut déjà bien tout, donc. Affaire Alexandre Benalla, la justice ouvre une enquête préliminaire pour usurpation et violence. Ce proche du président de la République avait été filmé en train de frapper un homme en marge des rassemblements du 1er mai dernier. Le parquet de Paris a annoncé ce jeudi 19 juillet l'ouverture d'une enquête préliminaire, notamment pour violence par personne chargée d'une mission de service public. Et usurpation de fonction, après la diffusion d'images d'un collaborateur du président Emmanuel Macron frappant un manifestant le 1er mai. Cette enquête, confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, vise également l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique, a précisé le parquet. Ce collaborateur, Alexandre Benalla, avait été suspendu 2 semaines, du 4 au 19 mai, puis muté à des fonctions administratives à l'Élysée. L'Élysée dans l'embarras. Depuis mercredi soir, et la révélation de cette affaire par le journal Le Monde, plusieurs responsables politiques ont appelé à des sanctions à l'encontre de ce collaborateur, Alexandre Benalla, et réclamé que la justice soit saisie des faits. Une situation qui place l'Élysée dans l'embarras. Le porte-parole de l'Élysée, Bruno Roger Petit, a réagi ce jeudi 19 au matin en annonçant qu'Alexandre Benalla avait déjà été mis à pied pendant 15 jours. Sans salaire, et qu'il ne s'occupait plus de la sécurité des déplacements présidentiels. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifié comme un dernier avertissement avant licenciement, a ajouté l'ancien journaliste. Il avait demandé l'autorisation d'observer les opérations de maintien de l'ordre pour le 1er mai. Autorisation qui lui avait été donnée car il agissait dans le cadre d'un jour de congé et ne devait avoir qu'un rôle d'observateur. Il a largement outrepassé cette autorisation, a souligné Roger Petit, alors que les images le montrent intervenir physiquement pour participer aux opérations de maintien de l'ordre. Casque et brassard de police. Bruno Roger Petit a précisé qu'Alexandre Benalla était accompagné ce jour-là et dans les mêmes conditions de Vincent Crase. Gendarme réserviste par ailleurs employé de La République En Marche, Crase était très ponctuellement mobilisé, comme d'autres réservistes, par le commandement militaire de la présidence de la République, a-t-il indiqué. Ayant outrepassé son autorisation, de la même manière qu'Alexandre Benalla, il a été sanctionné, comme lui, par une mise à pied de 15 jours avec suspension de salaire. Il a été mis également fin à toute collaboration entre lui et la présidence de la République, a conclu le porte-parole de l'Élysée. Outre l'indignation politique que provoque la sanction jugée trop complaisante infligée à Alexandre Benalla et le silence de l'Élysée autour de cette affaire, c'est également la tenue du conseiller du proche d'Emmanuel Macron qui pose problème. Son brassard de police ou particulièrement contacté par franceinfo.fr, la préfecture explique accueillir des personnes extérieures à la police pour des opérations de maintien de l'ordre de courte durée. Ces personnes, qui doivent alors se cantonner à un rôle d'observateur, sont dotées du matériel suivant permettant d'assurer leur protection, casque, gilet pare-balles. Le brassard de police, lui, n'est pas considéré comme faisant partie de l'uniforme, indique une source proche du dossier au site d'information. Si t'es dans la débine, t'avais qu'à être dans la mafia. Un coup de sourdine, dessous de combine, et t'avais ton rata. Tandis que toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine, faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourliche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des pauses, t'es même pas dans le bottin. Ça indispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie la mafia se ramène, t'es ni José ni Carmen. quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traînant tes rengaines le long de la longue Seine, en crachant sur ceux qui te gênent, et la mafia elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-mûches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, car pour louer sous la dalle, c'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, avec des X, ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, un cocatrix, un cocatrix. C'est ici que sera construite la centrale nucléaire de Fangchenggang. Une fois terminée, ce sera la centrale nucléaire la plus avancée de Chine, puisqu'elle sera équipée du dernier réacteur développé par le pays. Les responsables estiment que cette installation sera terminée dans 4 ans. Cette centrale servira de modèle pour le projet de centrale nucléaire d'Hinkley Point en Grande-Bretagne, dont le coût s'élève à 20 milliards de livres sterling. Derrière ces deux projets, CGN, China General Nuclear Power Corporation, la plus grande entreprise nucléaire de Chine. L'accident en 2011 de la centrale nucléaire de Fukushima a créé un tremblement de terre dans le secteur mondial de l'énergie nucléaire. Mais CGN, le plus grand constructeur mondial de centrales nucléaires, a déclaré que le marché se rétablissait progressivement. Shu Guoguo. Je pense qu'il faut introduire, et vous allez voir que nous allons y revenir à plusieurs reprises, le principe dans la Constitution, parce que ce que dit le Conseil constitutionnel n'a pas la même valeur que ce que dit la Constitution. Le principe constitutionnel serait intangible, car il est tout à fait stupéfiant qu'on trouve conforme à la laïcité le concordat. Je prends cet exemple, mais on pourrait aussi bien prendre l'exemple du statut de Charles X pour la Guyane, et etc. pour d'autres territoires. C'est la première raison. Il faut en finir avec l'idée que la laïcité serait une séparation de l'Église et de l'État à géométrie variable. Car si la loi dit que l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, c'est ce qui est écrit dans la loi de 1905, pourtant, sous le régime du Concordat, on reconnaît et on salarie des cultes. Pas tous, d'où deuxième problème. Le président de la République a posé qu'il s'agissait dorénavant d'établir ce qui est en concordat avec la religion musulmane. D'une manière générale, étant opposé à tout concordat, nous le sommes aussi à celui-ci. J'ajoute que réaffirmer l'identité laïque de la République française dans cette circonstance, aujourd'hui, hic et nunc, comme on dirait, a une importance qui porte un message très loin. Voilà pourquoi je pense que, sans faire de concessions ni faire changer votre cap, vous devriez l'accepter. J'ajoute que vous mettriez le chef de l'État, pas celui-ci, le mal est fait, mais le suivant, dans une situation plus confortable pour refuser d'être chanoine de Latran ou d'être coprince de avec l'évêque de Ceuta-et-Urgell. Mais en tout cas, d'être chanoine de Latran, parce que ce n'est pas conforme à l'identité laïque de la France que d'accepter d'être curé, même d'honneur, du pape. Merci, monsieur Mélenchon. La parole est à monsieur Goisguen. Sur le problème historique. Et il m'est arrivé au cours de mes études précédentes de regarder de très près ce que l'on pouvait entendre dans le droit français par principe de laïcité. Eh bien, je vais vous donner une réponse. Il n'y a pas de définition. Depuis 2 siècles, nous parlons de la laïcité et nous n'avons jamais défini ce que c'est que la laïcité, y compris dans la loi de 1905. Car que dit la loi de 1905 ? La loi de 1905 dit qu'il y a séparation. Mais quand elle parle de laïcité, elle ne parle de laïcité que pour le patrimoine. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas une définition sur le fond même de la laïcité, mais sur l'exercice de la laïcité. Et après, quand vous regardez la jurisprudence du Conseil d'État, j'ai tout regardé. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours marrant. Eh bien, il n'y a jamais de définition de la laïcité, mais au contraire des explications jurisprudentielles sur l'exercice de la laïcité. Donc, bien entendu, le fait de mettre dans la Constitution votre article n'importe rien, parce que vous dites simplement le principe de laïcité tel qu'il est défini par la loi de séparation de l'Église et de l'État. Le seul problème, c'est que le principe de laïcité, il n'est pas défini par la loi de séparation de l'Église et de l'État, je vous le répète. Donc par conséquent, on peut avoir un débat sur la laïcité, mais je crois que, d'ailleurs, c'est un vrai problème. Nous parlons en permanence de laïcité, nous parlons tout le temps de laïcité, et personne ne sait exactement ce que nous entendons par laïcité. Alors peut-être un jour, dans la loi, nous débattrons de la laïcité, mais il me paraît un peu actuellement prématuré pour le mettre en tout cas dans le préambule de la Constitution, surtout à partir d'une loi qui ne le définit pas. Merci, monsieur Goisguen. Alors pour poursuivre ce débat qui s'est ouvert, il s'agit pour nous aussi, en voulant rappeler la laïcité dans la Constitution, de l'unité du territoire. Parce que si nous avons noté que le chanoine de Latran voulait réparer le lien entre l'Église et l'État, lequel n'a pas été, nous vous l'avons déjà expliqué, abîmé mais rompu par la loi, nous, c'est bien la laïcité que nous voulons réparer, car elle ne peut souffrir d'une application à géométrie variable. Comment expliquer, alors que le terme de laïcité est présent dans notre Constitution depuis l'origine, qu'il n'a pas pu faire échec à des régimes d'exception, notamment en Alsace-Moselle, où le concordat datant de 1801 est encore appliqué. Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur une inégalité territoriale et donc instaurer une séparation nette entre l'Église et l'État. Et le faire plus d'un siècle après l'adoption de la loi de 1905. Il s'agit bien de ne pas accepter cette géométrie variable sur notre territoire, d'où la nécessité justement, de par vos explications, de le rappeler dans la Constitution. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Le taux de chômage dans la zone euro en octobre 2015 était de 10,7% de la population active. C'est le taux le plus faible depuis janvier 2012, depuis près de 4 ans. Cela dit, cela représente quand même une armée de plus de 17 millions de chômeurs. C'est l'équivalent de la population des Pays-Bas, pour vous donner une idée. Alors, dans les 19 membres de la zone euro, quel est le groupe des pays les plus malades? C'est le groupe avec un chômage qui dépasse les 12%. On y trouve 4 pays, par ordre croissant, Portugal, Chypre et puis l'Espagne, 21,6%, et la Grèce, 24,6% de taux de chômage. Dans ces deux pays très durement touchés, le chômage a quand même reculé, mais il reste très préoccupant, puisque par exemple, un jeune sur deux environ n'a pas de travail. Après, il y a des pays un peu moins malades, mais pas sortis d'affaires. Des pays entre 9 et 12% de chômage. En partant des moins touchés, on trouve la Slovénie, la Finlande, la Lettonie, la Slovaquie, et puis deux gros pays européens de population assez comparable, la France, 10,8% de chômage, et l'Italie, 11,5%. À noter que le chiffre italien est le meilleur enregistré depuis près de 3 ans, mais en fait, c'est parce que beaucoup d'Italiens auraient renoncé à chercher du travail. Ils sont sortis des statistiques. Pour la France, l'état de santé de l'emploi s'est encore dégradé sur un an. Ensuite, on trouve des pays en convalescence dans la zone euro qui reprennent quelques couleurs depuis un an. Là, le taux de chômage se situe entre 6 et 9%. En partant des moins malades, l'Estonie, les Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande et la Lituanie. À noter que la Belgique, qui est à 8,7%, est plutôt en stagnation. Enfin, il y a ceux qui semblent sortis d'affaires, qui sont en dessous de 6% de taux de chômage, Luxembourg, Autriche, Malte et, sans surprise, l'Allemagne a seulement 4,5% de taux de chômage selon les critères d'Eurostat. Les Allemands se trouvent carrément sous le niveau des Américains, qui sont eux à 5% de taux de chômage, ce qui est considéré comme le plein emploi. Je voudrais célébrer l'un des mots qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, petit, dans tous les sens du terme. Il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme. De rance et renfermé, gros ou maigre, il est gras. Rien par où l'attraper, il glisse entre les doigts. Je voudrais exprimer ma satisfaction. Tels sont les premiers mots en toutes occasions. Tout meurt autour de lui, les jeunes sont partis, les usines ont fermé, tout va très bien pour lui. Les pauvres petits sous de ses contribuables servent ses grands projets urgents, indispensables, des lampadaires, un golf qu'il va inaugurer. Je suis très satisfait, mes chers administrés, satisfait car il vit de grands mots et d'embrouilles. La mairie et sa mare, il en est la grenouille. Sûr de faire la pluie et le beau temps local, il s'agite beaucoup au fond de son bocal. Il parade et se gonfle au milieu de la place. Trouve un mot pour chacun, promesse ou bien menace. De chacun il connaît les failles et les secrets. Tient un jour son courrier, ses fichiers, ses dossiers. Il brandit le drapeau ou bien le linge sale. Dans ses urnes truquées, toutes les voix se valent. Il manie en malin les pressions, les faveurs. Tout est bon pour tenir en main les électeurs. Votre fils entre en fac, bien, j'en fais mon affaire. Il aura une bourse. Merci, monsieur le maire. C'était automatique, votre fils y avait droit. Le maire le savait, vous ne le saviez pas. Il enterre, il marie, dispose des gendarmes. Il se sert de vos joies, il se sert de vos larmes. Le préfet, le pouvoir, le méprise et en joue. Il est l'élu du peuple et c'est tant pis pour vous. Novembre, il nous vante la guerre. Le 14 juillet, il ne peut pas se taire. Dur avec les petits, piteux devant les forts. Il n'est jamais si bien qu'au monument aux morts. Il cache ses pensées, sort son vocabulaire. Tartuffé, tartarin, il se veut populaire. Un pastis pour les hommes, aux dames un quinquennat. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en Navarre, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote. Tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Et bonjour Charline. Bonjour Frédéric Mettezeau. Alors, vous avez interrompu spécialement vos vacances pour nous parler d'un sujet sérieux, n'est-ce pas? C'est le plan pauvreté d'Emmanuel Macron. En effet Frédéric, puisque qu'est-ce que tu fais, Charline? Mais qu'est-ce que vous faites là? Moi, je fais ma chronique sur le plan pauvreté. Mais qu'est-ce qu'on en a branlé du plan pauvreté? C'est foot aujourd'hui, foot, Charline. Bah oui, c'est foot. On va casser du frouge. Pour faire de frites, tu te calmes là. Ah non, mais vous êtes pénible là. Moi, je voulais parler du plan pauvreté ce matin. En plus, regardez, il y a Richard Ferrand dans le studio. C'est qui lui? Il joue dans quelle équipe, ce Ferrand? Ah, alors ça, son équipe, c'est compliqué parce que bon, avant, il était de gauche. Arrière gauche? C'est Hernandez, arrière gauche, n'importe quoi. Non, de gauche, enfin maintenant, il est avec Macron. Ah ouais, changer d'équipe, quoi. Retourner son maillot, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est un traître. Alors, c'est comme Thierry Henry qui bosse avec les Belges Thierry Henry. C'est pas le premier Français qui vient chez nous. Ah ouais. Bernard Arnault. Faites pas trop les malins, hein, parce que vous avez fait le chemin inverse, les Belges là. C'est vrai. Alex, fais gaffe. Ouais, si les Belges gagnent, ils vont nous expulser. Mieux que ça, on va vous remigrer, les Belges. J'ai un coup de fil à passer à Gérard Collomb et Pépé Lacrimo, il va vous dégager, ok? Laisse tomber, Charline, il n'y a aucune chance. Moi, si la France gagne, je m'engage à jouer l'intégrale de Michel Sardou au didgeridoo à la fête de l'humain. Ah ouais, quand même. Bon. Ouais. Et toi, Guillaume, si la Belgique gagne? Si la Belgique gagne, je m'engage à prendre ma carte chez les Républicains. Sans déconner. Parfaitement, je le jure sur la dignité de Manuel Valls. Ah ouf, j'ai peur. Il n'y a pas beaucoup de risques. Ouais. Bon, est-ce que je peux parler du plan pauvreté? Oui, on va parler de la pauvreté du jeu français. Il joue avec Giroud en pointe. Oh, Giroud, il va vous fumer, d'accord? Il va faire des contrôles orientés, des ailes de pigeon. T'aimes ça, toi, Guillaume, les ailes de pigeon? J'adore ça, moi, les ailes de pigeon. Mais t'étais pas végétarien? Mais c'est un geste de footballeur. C'est un geste technique, c'est comme une reprise de volée. Volée? Il y a un rapport avec Claude Guéant. Bon, Charline, va falloir bosser parce que tu commentes le match ce soir sur France Inter. Mais ouais, en direct du studio 105, rendez-vous à 19h45 pour l'avant-match. Après, on sera avec VDB, Arnaud. Bernard Arnaud. Juliette Arnaud. Et toute l'équipe de Par Jupiter, des guests de France Inter. On vous fera vivre l'événement en direct. Ok, mais après, on parlera du plan pauvreté. Hein. On parlera pauvreté avec les footballeurs directement. Comme Macron, il adore parler pauvreté avec les millionnaires. Bon, alors ce soir, alors. Allez, la France. Allez, l'arbitre. titre. Et Harley, allez, Charline Vonnenacker, Alex Vizorek, Guillaume Meurice, effectivement, rendez-vous dès 19h45 au studio 105 par Jupifoot. Vous regardez la télé et vous mettez la radio à partir de 20h pour le match Belgique-France. À ce soir. Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais... Mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors la vie est gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Le foot, il y a plus que ça. Le foot, la France est foutue. Et moi, c'est le bouquet, je vis avec un footballeur. Et en plus, il joue goal. Alors, c'est short pour les rabats au lavage. Les taches d'herbe, bonjour. C'est ce qu'il y a de pire avec la fraise et la pêche. Surtout lui, je dis ça pendant qu'il a le dos tourné, il est très cabot. Il plonge pour un oui, pour un non, ça m'empêche pas de l'aimer. Même sur des petits shoots, vous voyez, je dis « Baisse-toi ! Ramasse-les au lieu de me crotter tes shorts pour la galerie !» Non, il faut qu'il plonge. Et moi, après, comme dit ma droguiste qui se croit fine, « Essayez avec homo. » Oh, le foot, l'ambiance à la maison, avant les matchs, dans le lit, il me fait des sauts de carpe. Moi, je ne moufte pas. L'autre nuit, avant la Coupe d'Europe, il se réveille en sueur, je le serre dans mes bras, il tremblait. 1m89 quand même. Oh, il me dit, c'est épouvantable, je viens de faire un rêve dans lequel j'étais une passoire. Je lui dis, écoute Bambi, tu as été sélectionné scolaire du Lyonnais, international militaire, tu vas pas nous faire des convulsions pour ces boches. Il me dit, lève-toi et tire-moi les pénalties. Je lui dis, dis donc, je suis pas ta bonne, t'as vu l'heure d'abord. Lève-toi et tire-moi les pénaltys. Nous voilà dans notre living. Premier tir, je le prends à contre-pied sans le vouloir, bien sûr. Vous pensez si je m'en fous. Il détourne du poing, je reprends de la tête, but. Il me criait pas, tu m'as bousculé. Moi, je t'ai bousculé. Notre chien, Schumacher, wouh, wouh. Moi, je t'ai bousculé, je dis carton rose pour l'enculier. Oh, il peut être injuste. Je dis, comment tu peux être injuste comme ça? L'autre soir, il y a M. Henri Michel qui vient dîner, vous savez, le successeur de M. Hidalgo. M. Henri Michel, très... Enfin, j'aime beaucoup son look. Blond, les cheveux en arrière, très... Je sais pas si vous vous rappelez Georges Desgrières, sociétaire de la Comédie Française. Bref, vous avez fait des rires extravagants, des petits riz de veau vénitiennes avec un dégradé de courgettes en béchamel. Bon, Bambi se serre. Et je vois bien mon Henri Michel qui tique. Rien de plus, il tique. Le soir dans le lit, oui, avec ta béchamel, des yeux d'une méchanceté. Avec ta béchamel, c'est à cause de toi, je garderai jamais la cage du 11 de France. Alors moi je reconnais, je suis impulsif. Je lui dis, c'est peut-être pas à cause de ma béchamel. J'ai un petit chat. C'est peut-être pas à cause de ma béchamel. C'est peut-être parce qu'ils prennent pas les passoires. et je pouffe. Qu'est-ce que j'avais pas fait de pouffer? Il me dit, écoute, Berthe. Je m'appelle Bertrand. Écoute, Berthe. Quand un couple en arrive à se dire ces choses-là, à se déchirer comme ça, il vaut mieux se séparer. Transfère-moi. Et tout à coup, il hurle, transfère-moi ! Notre chien, je m'achère. Remarquez que le drame, il n'y a pas que chez nous, je vois dans son équipe, parce que je peux pas dire les noms, mais bon. Le 2 est avec le 5. Le 6 et le 7, malgré la différence d'âge, sont ensemble depuis... Des gens très gentils, très popotes, ils se sont connus à l'OGC Nice. Ensuite, ils ont muté pour le FC Grenoble. Maintenant, ils sont ici, quand il y en a un qui dribble, l'autre est derrière. Un couple sans histoire. J'en dirais pas autant du 8 et du 11. Du moins, depuis que le président a acheté ce noir. D'une beauté, d'une beauté. L'autre jour, comme toujours, je vais leur dire bonjour, je vais serrer quelques mains sous les douches. Les abdominaux et les dorsaux de ce Zaïrois. Total, mardi soir, 33e minute du match contre Nancy. Superbe descendu 11 qui vous déborde toute la défense adverse. Et les 8 étaient marqués devant les buts. Tout seul. Alors tous les autres qui 11, passe lui la balle, passe, mais passe. Et lui, je le relayais toujours, le pied sur le ballon. Eh ben non. Qui me rend d'abord au cocono. Qui me rend d'abord au cocono. Oh, le foot, et c'est pas le tout, Bambi. Qu'est-ce que je vais en faire, moi, quand il va être à la retraite, à 31 ans? Comme je lui dis, ami, oui, sponsor, non. Je suis ni Crésus, ni Bernard Tapie. Toc. Malika, c'est une fille bien, qui est encore écolière dans son village africain. Pour elle, c'est la galère, les frères et les sœurs à élever, elle les a. Et les culottes à rapiécer, elle les a. Les mains de son vieux sur le corps, elle les a. Les coups qui lui donnent ivre mort, elle les a. Il y a des jours où Malika envie celle du village qui sont partis faire à Paris les filles de mauvaise vie. Malika, elle s'est taillée, elle a planté ses frères et sa vieille a dû rester. Endurer sa misère, les gourdes plates sur le ventre, elle les a. Et les dents pourries dans la bouche, elle les a. Les habits troués sur les os, elle les a. Et les sacs de riz sur le dos, elle les a. Il y a des jours, Malika, ta mère est bien heureuse que tu sois devenue à Paris une fille de mauvaise vie. Malika sur les périphes, elle vend de la grande secousse quand elle annonce les tarifs. Il y en a pour toutes les bourses, les yeux de biche et les dents blanches, elle les a. La taille fine, les rondes hanches, elle les a. Les jolies fesses qu'elle les piche, elle les a. Les mots pour consoler les riches, elle les a. Malika, c'est ainsi qu'elle envoie des mandats dans son village où l'on n'aime pas les filles de mauvaise vie. Malika, elle s'est offerte avec son savoir-faire, un studio avenue Kléber, où elle fait ses affaires, les clients maigres et les gras, elle les a. Tous ceux qui rêvent du nirvana, elle les a. Les vilains proxos qui la guettent, elle les a. Les policiers qui la raquettent, elle les a. Les petits maris qui ont des mégères, elle les a. Les machos lourds et pleins de bière, elle les a. Les vertueux qui viennent se perdre, elle les a. Et toutes les faces de crabe à merde, elle les a. Et Malika, elle préfère à sa misère d'Afrique tous ces affolés du caleçon qu'il aime à leur façon. Ces bons pères de famille qui disent à leurs enfants, méfiez-vous quand vous serez grands, les filles de mauvaise vie. Car sachez, mes petits, que pour un bon croyant, il n'est rien de plus malfaisant qu'une fille de mauvaise vie. Qu'une fille de mauvaise vie. Tout le monde, ça va bien? Ouais. Vous êtes contents d'être là? Ouais. Moi aussi. Ouais. C'est cool. Et alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est-à-dire toute la salle. Voilà, je m'appelle Labajon, hein, et non pas Labajour. Hein, attention, pas confondre. En fait, c'est très simple, Bajon, c'est mon nom de famille, tout simplement. Et à l'origine, ça veut dire petite moule périmée. Voilà. Voilà. Ah, oh merde. Oh non, non, non, non, non, non, non, ça, ça se fait pas, excusez-moi. Oui, oui. Ah, oui, pensez bien à éteindre vos portables, messieurs, dames, parce qu'alors ça, pour l'artiste, c'est hyper chiant. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien, je suis à Nantes. Oui, en train de faire une superbe prestation. Ouais, ouais, ils sont morts de rire. Comment? Ah, vous voulez les entendre? Oui. Ouais, là, c'est que le premier rang. Hein. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui? Ah, ouais, ça m'intéresse pas du tout. Non, vous avez qu'à le proposer à des Nantais. Bah oui, bah y en a une qui fout rien en face de moi. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bah ça lui fera plaisir, je lui dis. D'accord, et ben on fait comme ça. Merci beaucoup, au revoir. Ah, excusez-moi, je sais que ça se fait pas, mais j'étais obligée de décrocher, c'était Paul. Pôle emploi. Bah oui, je suis au chômage, voilà. Ça pète l'ambiance, d'un coup. Ah, excusez-moi, je suis désolée, j'ai besoin d'en parler, mais Pôle emploi, il m'appelle tout le temps, c'est pénible. Tiens, encore hier soir, ils m'ont appelé. Alors, pour le coup, c'était pour un poste en fonction de mes compétences. Ouais, c'était une agence de mannequins. Voilà, ils cherchaient une femme de ménage. Voilà. M'a fait passer de tête au premier rang, là. On dirait un chat sous la douche, le monsieur. Non, non, je vous rassure, tout va très bien, je n'ai rien à foutre. Mais tellement. Alors, c'est peut-être parce qu'avant, j'avais un job minable. Ouais, puis j'ai pas du tout envie de replonger. Je travaillais dans une entreprise qui édite des logiciels de gestion. Ça intéresse quelqu'un? Eh ben non, voilà, ben non, ben non, ben non, ben moi non plus. Puis en plus d'avoir des boulots tout pourris, j'avais des collègues. Oh, la tête qu'ils avaient, putain. Ouais, bah ris pas, toi, t'aurais pu en faire partie, dis donc. Non, mon pire cauchemar, c'était la nana de la compta. Une petite tête de fouine. Tiens, vous voyez Eric Zemmour? Voilà, ben Eric Zemmour avec une jupe. Elle, tous les matins, elle venait dans mon bureau. Bonjour. Dis donc, j'ai remarqué un truc en faisant les fiches de paye, tu vas pas me croire. Mélanie, oui, elle a le même poste que toi. Eh ben, elle gagne 46,40€ de plus, dis donc. Tu trouves ça normal, toi? Eh ben oui, je trouve ça normal, oui, vu qu'elle, elle travaille. Allez, allez, allez, allez, fous-moi le camp. Bon, on est obligé de leur parler comme ça, sinon ces gens-là reviennent. Donc non, non, non, non, non, non. Non, heureusement, tout ça, c'est fini. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai même pas eu besoin de démissionner. Non, ils m'ont viré pour faute grave. Ouais, j'ai commandé trop de pousse-mousse. Ouais, pour une entreprise de 20 personnes, j'ai commandé 800 litres de pousse-mousse. Et hop. Ouais, ça va, une petite erreur, c'est bon. Et attendez, quand je pense qu'il y a des connasses qui commandent 96 millions de vaccins contre la grippe A et qui restent en place. Ah. Merci. Merci pour elle. Non, enfin bref, les collègues, ça me manque pas. Ce qui va pas me manquer non plus, c'est le métro aux heures de pointe. À 7h du mat, pas réveillé, la tête dans l'anus. Du mec devant toi. Ah, généralement, c'est une belle journée qui commence. Hein. Moi, ce que je préférais, c'était le petit duo musical roumain qui vient de jouer un air pourri à l'accordéon. Ah, vous connaissez tous? Bethame, Bethame Moucho. Non, non, non, non, non, dis donc, Sergueï. Oui, eh ben, c'est pas de la musique, c'est quoi, ça? C'est de la merde. Si, tu hurles, tu viens de me ruiner les tympans, tu veux que je te rémunère, en plus. Allez, hop, tu prends ton enfant par la main. Ah, oui, par le moignon. Tu prends ton accordéon, tu dégages. Ah bah oui, mais désolé, mais on est obligé de leur parler comme ça, sinon ces gens-là reviennent, donc... Ah, je suis contente de plus subir ça, attends... Moi, maintenant, le matin, je me lève, bon, pff, il est 11h. Qu'est-ce que je fais? Je m'habille pas tout de suite. Non, d'abord, je reste nue. Je marche. Je me regarde un petit peu dans le miroir afin de contempler ce superbe et énorme fion. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Hein, quelqu'un m'injecte de la raclette directement dans le cul quand je dors? Comment ça se passe? Qui fait ça? C'est toi? Il dit oui en plus. Bah très vite, je m'habille. Bon, une fois que je suis habillée, qu'est-ce que je fais? Bah, je me couche. Bah, de toute façon, je peux rien faire, j'ai pas d'argent. En revanche, j'ai du temps. Et ça, c'est vachement bien d'avoir du temps, parce que j'ai pris le temps d'observer, du coup. J'ai pu constater que mon appart était tout pourri. Ouais, c'est simple, il y a tout à refaire. J'ai pu observer mon mec aussi. Il aime... Ah, j'avais pas vu! Il a une tête de goyave. Vous voyez ce que c'est, une tête de goyave, ou pas? Non? Tiens, bah, venez montrer aux gens, s'il vous plaît, ce que c'est qu'une tête de goyave. Tu veux pas? Tiendra me voir à la fin. Ah oui! Et pour finir, il y a quand même un inconvénient au chômage. Hein, sinon, ce serait pas drôle. Non, le gros problème, c'est qu'on est souvent en décalage avec les gens qui travaillent. C'est vrai, hein, l'autre jour, j'ai une amie qui m'appelle, qui me dit « Ouais, excuse-moi, tout à l'heure, quand tu m'as appelée, j'ai pas pu décrocher, j'étais en déj pro. Hein. » Oui, bah là, je vais pas pouvoir te parler non plus, je vais entamer une sieste pro. Voilà, puis carré la sieste, hein, je veux dire entre 12 et 18, va pas falloir m'emmerder. Ben oui, mais désolé, mais on est obligé de leur parler comme ça, sinon ces gens-là... Non, ils rappellent, mais c'était bien tenté. Ah, et il y a un dernier petit inconvénient aussi. C'est que c'est pas très sexy d'être au chômage. C'est vrai, hein, souvent quand j'arrive en soirée, ça le fait pas du tout. Bonsoir Jean-Michel, médecin. Bonsoir, la Bajon, sans emploi. Si, comme l'a dit un jour le général de Gaulle, la France n'était pas ce qu'elle est, c'est-à-dire la France, tous les Français seraient des étrangers. Si, comme l'a dit également, à peu de choses près, et un autre jour, le général de Gaulle, les choses étaient autres que ce qu'elles sont, c'est-à-dire ce qu'on voudrait qu'elles soient, il s'en trouvait encore pour regretter qu'elles ne soient plus ce qu'elles étaient. L'heure tant souhaitée de la paix universelle sonnera au clocher de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle quand les cartes d'état-major seront remplacées par des cartes de visite d'état civil. Pas demain la veille. L'esprit de l'escalier est d'avoir raté une marche dans celui de la propos. Ça a l'air de rien, mais en vérité, c'est pas grand-chose. Celui que la fumée n'empêche pas de tousser, et que la toux n'empêche pas de fumer, a droit à la gratitude de la régie française. Et la... La véritable modestie consiste à ne jamais se prendre pour moins que ce qu'on estime qu'on croit qu'on vaut. L'imbécile prétentieux est celui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui. En politique, parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. En hiver, on dit souvent, fermez la porte, c'est froid dehors. Et quand la porte est fermée, c'est toujours aussi froid dehors. Enfin, c'est pas, bah, c'est écarté, tiens, c'est pas, moi, je comprends pas. Un chemin qui descend, c'est un chemin qui monte en sens inverse et réciproquement. S'il y a loin de la coupe aux lèvres, il y a près de 400 km de Paris à Clermont-Ferrand. L'homme vraiment courageux est celui qui se couche à côté de son travail, il doit prouver qu'il n'a pas peur de lui. En matière de politique sociale, les pouvoirs publics disent qu'il faut s'entendre pour se mettre d'accord. Le patronat de droit divin dit non. Le jeune patronat dit oui. Le contrat social des conventions collectives dit qu'il faut voir pour se rendre compte. Les centrales syndicales disent c'est tout vu, les comptes sont rendus. Et la classe ouvrière dit merde. Le privilégié de la nature, qui est myope d'un œil, presbyte de l'autre, et qui louche de surcroît, n'a aucune excuse de ne pas se rendre compte dans le même instant de ce qui se passe autour de lui. L'homme accompli et complet est celui qui sait suffisamment se retourner dans la vie pour faire face au risque de se trouver nez à nez avec ce qu'il a dans le dos. Ce qui n'est pas tellement commode, faut dire ce qu'il y a. Moi, des acrobates. Qu'on le soigne ou non, une paire de chaussures neuves ne remplacera jamais

Monsieur Catenins, avant de vous passer la parole, j'informe l'Assemblée que je suis saisi par le groupe de la France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale sur l'amendement 1269. Monsieur Catenins, vous avez la parole pour le présenter. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour poursuivre ce débat qui s'est ouvert, il s'agit pour nous aussi, en voulant rappeler la laïcité dans la Constitution, de l'unité du territoire. Parce que si nous avons noté que le chanoine de Latran voulait réparer le lien entre l'Église et l'État, lequel n'a pas été, nous vous l'avons déjà expliqué, abîmé mais rompu par la loi, nous, c'est bien la laïcité que nous voulons réparer, car elle ne peut souffrir d'une application à géométrie variable. Comment expliquer, alors que le terme de laïcité est présent dans notre Constitution depuis l'origine, qu'il n'a pas pu faire échec à des régimes d'exception, notamment en Alsace-Moselle, où le concordat datant de 1801 est encore appliqué. Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur une inégalité territoriale et donc instaurer une séparation nette entre l'Église et l'État. Et le faire plus d'un siècle après l'adoption de la loi de 1905. Il s'agit bien de ne pas accepter cette géométrie variable sur notre territoire, d'où la nécessité, justement, de par vos explications, de le rappeler dans la Constitution. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission sur l'amendement 1269 ? Monsieur le Président, même réponse que pour les amendements précédents, puisque, je rappelle, la République est laïque, c'est écrit dans la Constitution, et les constituants, je voudrais le rappeler, de 46 comme de 58, ont jugé que le statut particulier évoqué ne faisait pas obstacle à ce qui précédait. Et nous considérons que il n'y a pas lieu, dans le périmètre, en tout cas de la réforme que nous abordons, de remettre en cause cela. Donc un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Quel est l'avis du gouvernement ? Même avis, Monsieur le Président, et exactement le même raisonnement. Là encore, le Conseil constitutionnel l'a rappelé en 2017. Il explique qu'il ressort des travaux préparatoires du préambule de 46 et de ceux de la Constitution de 58 et de son article 1er que, en proclamant que la France est une république laïque, la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions particulières applicables dans plusieurs parties du territoire et qui étaient présentes lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et qui sont relatives à certains cultes. Et donc, pour ces raisons, c'est respecter la volonté, en tout cas du constituant, de ne pas bouger ces dispositions. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Becht, vous avez demandé la parole pour répondre à la Commission au gouvernement. Oui, merci, Monsieur le Président. En tant que député d'Alsace, j'aimerais inviter mes collègues de la France Insoumise à venir un jour sur le terrain voir ce qu'est le Concordat. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, souffrez au moins qu'on vous réponde. Bien. Sachez que si vous regardez le Concordat, notamment celui qui a été écrit sous Napoléon et sous la plume de Portalis, ça n'a jamais été un cadeau fait à l'Église. C'est un objet qui vise avant tout à encadrer les cultes. Je ne parle pas simplement du salariat des ministres du culte. C'est donc un outil dont on serait bien inspiré aujourd'hui de regarder quelles sont les applications que l'on peut en faire pour régler les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Il faut se garder avant tout de remplacer quelque chose qui marche par ce qui ne marche pas. Merci, Monsieur Becht. Calmez-vous, mes chers collègues. Monsieur Mélenchon, le président de votre groupe, a demandé la parole. Je pense qu'il va porter votre parole collective. Je vais tâcher de compléter notre argumentation. Chers collègues, n'exagérez pas, vous allez vous attirer des revers déplaisants. Non, ce n'est pas parce que c'est un système qui marche qu'on l'a rétabli, c'est parce que nous avons été envahis, que l'Alsace et la Lorraine ont été confisqués par l'envahisseur, et que lorsque nous en avons chassé, nous avons rétabli la loi telle qu'elle était auparavant. Il n'y avait là-dedans aucune préméditation. Quant à dire que c'est un système qui marche tandis que le reste serait un système qui ne marche pas. Monsieur, vous offensez tout le territoire de la République où on ne rémunère pas les ministres du culte. Et votre système marche si mal, je n'ai pas attendu de vous entendre pour aller, comme vous dites, sur le terrain. Mes chers collègues, qu'est-ce qu'une expression pareille peut bien vouloir dire à propos du Concordat ? Que dois-je aller faire ? Je suis allé des dizaines de fois en Alsace. Eh bien, peut-être aller faire la tournée des églises pour vous faire plaisir, tout ça est ridicule. Regardez. Ah bah non, mais enfin, écoutez, enfin, franchement, enfin, c'est la République française ici. Oh, on n'est pas... Non, voilà, la religion est séparée, séparée de la politique. Alors, je viens à plus sérieux, qui est l'argument de notre... Seul Monsieur Mélenchon a la parole. Poursuivez, Monsieur Boisguen, vous avez raison de dire que l'essence du principe n'est pas fixée par le texte. Mais c'est souvent le cas. Et je préfère qu'on définisse une pratique plutôt qu'on spécule sur une essence. Ce que nous pouvons dire, et vous qui êtes un connaisseur de l'histoire, je suis sûr que vous abonderez dans mon sens, c'est que la laïcité n'a pas été inventée dans un colloque par une série de sociétés savantes, mais au terme de 3 siècles de guerre civile, ouvertes ou larvées, qui ont opposé d'abord catholiques et protestants, puisqu'on avait l'habitude de persécuter sans autre forme de procès, les juifs de France. Et cette affaire s'est terminée par la Grande Révolution et la décision de séparer les églises de l'État. Et de cela, nous nous sommes trouvés fort bien, et nous l'avons étendu à tout le territoire de la République, à l'exception de la Guyane qui n'en relevait pas à l'époque, et de l'Alsace-Lorraine occupée par l'ennemi. Par conséquent, les descriptions qui sont faites par la loi suffisent pour dire ce qu'est la laïcité, mais elles permettent d'établir, en l'affirmant dans la Constitution, deux règles, et je vais terminer là-dessus, pas de religion en politique, donc le chef de l'État n'a pas à dire qu'on a un besoin anthropologique de religion. Deux, pas de politique en religion, donc on n'a pas à organiser la religion. Elle s'organise toute seule, ou bien elle ne l'est pas. Je suis heureux de saluer Laurent Gérard. Bonjour, bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Et bonjour Jade. Bonjour Jérôme. Et bonjour Jack Lang. Bonjour, c'est Jack. Vosgien resto. Vosgien je suis, Vosgien je reste. Oh, écoutez, c'est beau. Cependant, avant de prendre le maquis au plus profond de la forêt de Noirgoutte, j'ai organisé une manifestation qui restera jamais gravée dans la mémoire des autochtones. Alors, très bien. De quel événement s'agit-il exactement, Lojaco ? D'une grande course cycliste, oui. Le Tour de Saint-Dié. C'est l'actualité. Les médias nationaux n'ont pas pipé mot sur cette compétition. Vous pouvez nous la décrire peut-être, Lojaco ? Avec plaisir, Nassir. Sur la ligne de départ, la taverne du Vieux Bouc, on pouvait reconnaître plusieurs coureurs cyclistes déodaciens, comme Remiremont Poulidor, l'éternel second, oui. Bernard Inouï, mais aussi sur leur tandem sans selle, les inséparables Robic et Bouc. Il y avait aussi Omar Mlad, un sprinteur saoudien, sans oublier le champion qui a déjà gagné 5 fois la grande boucle de Saint-Dié, Chaud de Lance Armstrong. Oui, bien sûr, une participation relevée. Hein. Avant le départ, un petit incident, cependant venu ternir l'affaire. À l'occasion du contrôle antidopage exigé par l'amicale cycliste vosgienne, la Modelaine et sa sœur la Moguette... Ah bah les deux serveuses cul-de-jatte de la taverne du Vieux Bouc, on le rappelle. Hein. Quelle joie de voir qu'elles vous sont devenues familières. Ah, oui. Désormais, c'est comme si vous faisiez partie de cette famille. Un peu. Donc, la Modelaine et la Moguette sont passés, en se propulsant avec leur fer à repasser, parmi les coureurs afin de recueillir leur pipi du matin dans des pipettes. Et je vous le donne en 100. Oui. Non. Je vous le donne en 1000 et 1000. Non. À qui ont-elles été obligées de confier ces échantillons pour analyse ? Je sais pas, un laboratoire. Mais quel laboratoire, malheureuse ! Le plus proche se trouve à 2 jours de diligence d'ici, à Épinal. Non, ces échantillons ont été confiés à mon rival. L'apothicaire Gérard Cherpion. Et comme pour ajouter l'insulte à la blessure, après avoir analysé les pipettes à l'ancienne, c'est-à-dire en y goûtant, Gérard Cherpion a décrété que les urines de Chaud de Lance Armstrong présentaient des traces d'anabolisants sous forme de minces stéroïdes. Et aussi des gonocoques, d'où le surnom de Chaud de Lance Armstrong donné à notre champion local. Et alors, Chaud de Lance Armstrong a été disqualifié. Et finalement, c'est l'éternel second, Remiremont Poulidor, qui a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée située au sommet du col de la Schlourte. Faut dire qu'il n'a pas eu besoin de picouse ou d'anabolisant pour appuyer sur les pédales. En effet, dès les premiers lacets dans la montagne, Remiremont Poulidor a été poursuivi par la bête des veaux, qui lui a couru après en glapissant, affamé après des mois de disette et de fort mauvaise humeur d'avoir dû attendre le dégel pour enfin sortir de sa tanière. Un dégel qui, je le signale, n'a commencé que depuis la semaine dernière. Mais c'est effrayant ce que vous nous racontez. Rassurez-vous, la bête était repue pour avoir dévoré juste avant Robic et Book. Acteurs sur leur tandem d'une échappée d'anthologie, comptant jusqu'à une heure d'avance sur Remiremont Poulidor, ils avaient eu l'imprudence de s'arrêter derrière un buisson pour se prodiguer des massages dorsaux très appuyés. La bête en a profité pour les manger. Et on ne les a reconnus qu'à leur casquette. Bref, la bête étant gavée de chair fraîche, sa course s'en est trouvée ralentie et Remiremont Poulidor s'en est sorti avec un pneu qui porte encore la trace des dents du faux velu. Le pauvre a quand même eu très peur. Car quand il a enfilé le maillot du vainqueur, ce maillot était jaune devant et marron derrière. Écoutez, que d'émotion, Lojaco. Hein. Heureusement, le public massé en haut du col de la Chourte ne s'est rendu compte de rien, croyant qu'il s'agissait d'une animation de la caravane du Tour de Saint-Dié. Bon, il y avait aussi une caravane. Bien sûr. Comme quoi, la bête des Vosges aboie, mais la caravane passe. Bref, notre cortège, pour être modeste, puisqu'il ne consistait qu'en un seul véhicule, était plus modeste que celui de la Grande Boucle, mais tout aussi festif, Abdelatif. Écoutez, j'aurais adoré voir ça. Oui, oui. Ça ne m'étonne pas. Pour l'occasion, l'homme mort, le fossoyeur de Saint-Dié, avait customisé son corbillard tracté par la crottine, sa mule ménopausée. Il l'avait customisé en véhicule publicitaire à la gloire des produits régionaux. Juché sur un plateau de fromage géant, le Diode, mon fidèle serviteur, vanté au micro, les mérites du Munster. Le Diode au micro, mais enfin, Lojaco, vous nous avez toujours dit qu'il était sourd-muet. Comment s'y prend-il? Mais il faisait la pub en langue des signes, tout en ponctuant sa réclame à grands coups de pied beau dans une grosse caisse, tandis que sa cousine, la croutasse... La comtesse, la vigoureuse fromagère de la tire du Piquissant, jetait des meules de Munster hors d'âge dans la foule, ce qui n'a pas manqué de provoquer des bagarres. De son côté, le chatrou, le châtreur de cochon, jetait aux spectateurs des filets bourrés de palettes de porc fumées, de gants d'oyaux, de saucisses de pommes de terre et de mini-andouilles de Val d'Ajol. À un moment, elle n'a pas compris pourquoi ses filets de charcuterie lui ont été retournés au point d'en être presque assommés. Pourquoi ce rejet? La malheureuse croutasse n'avait pas vu qu'elle avait balancé toute cette charcutaille sur une délégation de supporters de l'équipe d'Arabie Saoudite pour lui soutenir leur champion Omar Melade. Cet incident a pourtant été vite oublié quand Yvette Ornière, notre star locale de l'accordéon, juché à l'avant du véhicule, tout sourire et rouge à lèvres sur les dents, a mis en branle son piano à bretelles pour jouer les airs mythiques de son répertoire. La Java bleue des Vosges, Mon amant de Saint-Dié, mais aussi Perlouse de cristal, et surtout son tube chanté en duo avec le Diode, le pied beau de tous les tangos du monde. Voilà en quelques mots ce qu'a été ce tour de Saint-Dié, mais vous devriez bien excuser, je m'excuse, car ce qui est dit, de ce pas, je m'en vais prendre le maquis afin de préparer les prochaines festivités après la fête de la pédale, la Gay Pride. Une suite logique. On m'appelle la télé, la montreuse à tout va. Avant de faire le trottoir, je me l'écaille sur les toits. Je suis pas grand chose de bien, c'est sûr, mais ce qui me gêne, c'est leurs jeux interlopes qui me luxent les antennes. J'ai un gars qui est direct et l'autre qu'on nomme playback, et tout ça se pellicule et tout ça se met en boîte. Mais les clients sérieux, c'est pas qu'ils m'embarrassent. Et pour pas faire d'envieux, je me les fais face à face. Et pour pas faire d'envieux, je me les fais face à face. On m'appelle la télé, la montreuse électrique. Et je suis comme une morphine qu'endort la République. Quand il y a des pinailleurs qui me soulèvent des problèmes, sur qui ou quoi ou qu'est-ce, je leur dis jugez vous-même. Un ministre à l'année que le trottoir. soir indispose entre deux cabinets, fréquente ma télé close pour les yeux affamés qui vont chercher fortune dans mon lit à colonne. Je peux leur montrer ma une dans mon lit à colonne. Je peux leur montrer ma une. On m'appelle la télé, des familles et tout ce qu'il y a de mieux. J'ai des ministres occultes à qui je fais les yeux. Je suis la télé partout, finalement, faut bien le dire, qu'importe la partout, quand c'est pour le plaisir. Des fois je suis l'invisible, j'en ai qui marche à ça. T'as pas vu mon coco, mes soutiens caméra. Quand je suis exciting, y'a de drôles de poulets qui foutent un carré blanc sur ceux qu'ils vont lorgner. Qui foutent un carré blanc sur ceux qu'ils vont lorgner. On m'appelle la télé et je fais tous les quartiers avec mes pattes en l'air. J'ai le voyeur assuré, l'Olympe s'est vidé, le music hall du business. Alors pour le remplir, il tâte mon palmarès. Depuis que j'ai de la lecture pour tous, je suis un peu snob. Je bouffe avec mon terlan qui m'améliore mon job. Mais comme le vendredi, c'est le jour de la morue, mon Mac Panorama me fout au coin des rues. Mon Mac Panorama me fout au coin des rues. On m'appelle la télé, de la photo cavaleuse sur mon trottoir là-haut. Je me sens toute transisteuse, tout comme les filles publiques qu'ont leur jour de sortie. Moi, pour prendre un coup d'air, faut que je me tape le rubis. Des fois, je suis comme les grues qui font du sentiment. Je fais pas payer trop cher et tout le monde est content. Des fois, je suis pas causeuse, c'est quand j'ai mes affaires. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père. Mais je ne veux pas me fâcher avec les catholiques, hein. Ah non, ah non, le salaud. Eh, c'est toujours moi qui me fâche. Bon, un petit peu, pour faire plaisir. Ah, vous êtes salaud, les catholiques, ils ont dérouillé, là, hein. C'est en 78, très mauvaise année pour les papes. Deux d'un coup, on est sûr. Là ! Voyez, caisse, gling, gling. Jean VI, là ! Suivant, là ! Suivant, ben ça va. On sert Rémiche. En plus, ils se sont fait piquer l'affaire par l'autre, là. L'inventeur du Moyen-Âge, là, comment il s'appelle? L'arrête là tes conneries, là. Avec une chador en poil pour l'hiver. Il est allé là-bas parce qu'il était à Coin-Neuf le château, puis il s'est mis la gueule dans la lourde, alors. Ils ont mis un pansement, mais ça va aller. Pareil, bon, c'est bien. Alors le pape, il faut qu'il râle maintenant, il est parti au Mexique et tout, embrasser des gosses. Il peut attraper des maladies, hein. Il est arrivé à l'hôtel, il y avait un Christ au-dessus du lit, et il a dit enlevez ça, ça me rappelle le bureau, faut pas déconner non plus. Arrêtez, non. Non, non, c'est pas là. Non, non, c'est pas là, je vous dirais, c'est pas là. Moi, j'ai pas connu le Christ, parce qu'il y a pas longtemps, je suis pas le show business, mais il paraît très gentil. Il paraît le Christ très gentil, tout maigre, et pourtant très gentil quand même. Comme quoi, ça n'a rien à voir, hein. Il est très gentil, il y avait un qui a dit, vous êtes superstitieux, il dit, je touche du bois. Ouais, c'est très gentil. Et puis là, généreux, mon vieux, comme tout, mais correct. Buvez, c'est mon sang, manger, c'est mon corps, touchez pas, c'est mon cul, c'est normal. Ah ça, il y a des limites à tout, hein. Ah non, c'est normal. Très gentil. Alors attends, parce que dis donc, en plus les papes, le dernier qui est mort là, le frère Ripollin, comment il s'appelait ? Jean-Paulin. Hé ! Le dernier qui est mort là, c'était le plus jeune. Révision des 5000 et tout grâce à Juidange, hein. 4 semaines, tout bon. 5e semaine, là ! Ça fait rien, vous gagnez une boîte de jeu, ben merci. Et je remets 100 francs dans le nourrin. Tiens, je vais vous montrer un truc. Vous barrez pas, hein, y a rien d'autre. Hein. Regardez le journal de quand il est mort. Vous avez ici François, c'est un journal à grand tirage. Hein. Très bien pour allumer le feu, donc. Vous avez ici. Bon. Vous avez ici le pape est mort, et en bas, une pub malencontreuse. Grande braderie au marché Saint-Pierre. Qu'est-ce que je dis ? Tiens, garde-le, parce que l'autre est pas mort, on peut se faire encore du blé avec celui-là. Bon ! Parce que, dis donc, hey, pour en élire un autre, un pape, c'est la merde, hein. Faut les réunir, d'abord, les cardinaux, il y en a partout, ils sont aux quatre coins, hein. Ils sont très vieux, on leur met des petits ronds rouges sur la tête, c'est pour pas les paumer dans les squares. Au moment de la promenade, ils bavent comme ça. Et ils sont très vieux, il y en a, ils sont presque liquides, ils vont les chercher avec des éponges. Sa saleté, Jean 22, oui. Bonjour madame, oh merde. Et déjà là, ça a l'impression d'embrasser la mère Denis. Bon. Ah ouais, sans la moustache. Bon. C'est pas fini, non. Alors, je les ai expliqués, puis c'est un merdier, faut les réunir, puis il y a la fumée, faut faire venir l'Indien, il y a des trucs. De... Alors, ils mettent dans une pièce, et là où il y a la fenêtre. Vous avez vu des fois la télé, avec l'onzito, on fait le portail. Eh bien, nous sommes actuellement sur la place Saint-Pierre. Alors, il y a une pièce, puis à un moment, ils viennent à la fenêtre, et c'est lui le pape, le mec qui vient. Vous voyez ? Parce que, par exemple, celui qui a chaud, il va ouvrir la fenêtre. Ah ! Non, non, moi, j'ouvre la fenêtre. Il nous fait coucou. Ah ! Changelé, hein, faut faire gaffe, là-bas. Hein. Pour y aller, hein, la femme de ménage, elle fait gaffe, elle se baisse. Hein. Bon. Alors, ils les réunissent là dans la pièce, et ils font pouf-pouf. Pouf-pouf. Ça sera toi qui va être le pape. Bon. Puis il y en a un qui gueulait parce que ça faisait quatre fois que ça tombait sur lui. Alors à un moment, il a dit, vous retournez pas. Il y a un Polonais qui vient d'entrer. Il parle pas la langue. Il croit qu'on se partage un micel. On va le pousser à la fenêtre, ça va être bon pour lui. Tiens, bonjour Jean-Polski. Salut les filles. Bon, il est con. Bon, bon. Alors, dites-moi, il y a votre bagnole qui gêne. Oh, ma bagnole ! Il y en a un qui a pris le micro et dit, c'est lui le pape ! Waouh ! Il est polonais ! Ah ! Pas de quoi se brûler pour la chaleur, hein. Et en plus, c'est parce que mais il voulait pas un Napoléon, il voulait un Italien, hein, sur la place Saint-Pierre. Fallait les voir, hein, les Italiens, ils gueulaient des papes, oui, mais des panzani. Monsieur le juge.